Ce vendredi, à la vie en BD, un retour sur Angoulême 2015, des suggestions, lecture et un regard sur une bande dessinée mettant en vedette des peluches qui sont habitées par l'esprit de Dracula, Attila, Bonnie et autres. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette édition de La Vie en BD, votre magazine dédié à l'univers du 9e art, à l'univers de la bande dessinée. Et cette semaine, je l'ai dit d'entrée de jeu, une bande dessinée assez particulière peut-être qu'on explorera aujourd'hui. Je dis peut-être parce que donc c'est d'un côté inspiré par l'univers de Charles M. Schulz, donc l'univers de Peanuts, mais d'un autre côté quand même donc des personnages un peu plus peut-être surprenants dans leur caractérisation, donc c'est ces peluches habitées par l'esprit de grands criminels, de grands monstres de l'histoire, qui cohabitent aussi avec des jeunes enfants, donc ça donne un cocktail assez sympathique qui s'appelle Purgatoire, et on aura l'occasion de jaser avec son scénariste Yves Rodier en début de deuxième partie d'émission. Également, dans quelques instants, on aura l'occasion de discuter avec Thomas-Louis Côté, le directeur général du Festival de la BD francophone de Québec, qui est de retour d'Angoulême, donc il était faire un tour là-bas, évidemment, pour parler du festival, mais nous, on en profitera pour prendre le pouls avec lui de cet événement. Donc, voir un peu ce qui s'y est passé, quand même une édition assez événementielle, il faut l'avouer. Alors, on en discute avec lui tout à l'heure. Également, en fin d'émission, il y aura Marco Duchesne qui sera de passage pour nous partager ses suggestions de lecture pour cette semaine. Alors, c'est le menu de l'émission d'aujourd'hui. Et sinon, dans l'actualité, on commence déjà à parler du prochain Astérix. Il est prévu pour octobre 2015. 36e album des aventures du petit Gaulois, désormais scénarisé par Jean-Yves Ferry, dessiné par Didier Conrad, apparaître le 22 octobre de cette année. On ne sait pas encore grand-chose, cela dit, de cet album, si ce n'est qu'il se déroulera en Gaule, après donc ce 35e opus qu'on a vu chez les Pictes. Ferry a également précisé qu'il n'y aura pas de personnage célèbre dans cette série, donc pas de caméo, si l'on peut dire. En revanche, par contre, chose intéressante, d'ici au 20 février, en fait, il est possible de participer à un grand casting pour intégrer le village d'irréductibles gaulois et figurer dans le 36e album. Alors, vous avez envie de vous lancer, comment faire? C'est tout simple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se photographier déguisé en un personnage de l'univers d'Astérix le Gaulois et envoyer son portrait sur la page Facebook qui est dédiée à ce concours. Les deux gagnants vont être caricaturés par Conrad, vont devenir donc figurants de cet album-là. Et par la suite, il y a aussi possibilité donc d'obtenir des invitations à la soirée de lancement et le reste. Et voilà. Alors, faut simplement donc aller se rendre sur la page Facebook d'Astérix pour peut-être figurer dans l'album. Sinon, autre nouvelle, le créateur de 10 centimes, donc Jacques Camb, est décédé. De son vrai nom, Jacques Kambouchner, est mort à Paris, donc dans la nuit du 5 au 6 février dernier, à l'âge de 81 ans. Donc l'auteur de BD était surtout connu pour sa collaboration Pif Gadget avec les séries 10 centimes ou Quick. Il a aussi dessiné la série Futurocomique Zar et Miouf contre 333 pour le journal Vaillant et a scénarisé les aventures du cowboy Teddy Ted dans Vaillant également. Alors voilà. Sinon, peut-être dernier petit notule avant d'aller en musique. Alors, on a appris que Sandaway, la maison d'édition de bande dessinée lancée en janvier 2010 sur le principe du financement participatif, a franchi à la fin de 2014 quand même un jalon assez important. Donc, la barre des 1 250 000 euros investis, un succès croissant. Alors, si on fait la mathématique, là, en 2012, à mi-parcours, Sandaway franchissait juste le cap symbolique des 500 000 euros financés. Un mode de financement quand même chez Sunway qui est assez distinct du mode de sociofinancement traditionnel, dans la mesure où on parle de campagnes beaucoup plus allongées. On parle également, mais dans le fond, de campagnes allongées, mais accompagnées par la suite d'une distribution chez un éditeur, distribution en librairie, etc., etc. Alors, un modèle quand même assez distinct de ce qui se fait de par les initiatives indépendantes. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil. On se lance maintenant en musique. La formation qui nous accompagnera au fil de l'émission, eh bien, c'est Bit Shifter avec leur album Information Chase. Et on écoute immédiatement un premier extrait qui s'appelle Activation Theme. Voilà, donc toujours à saveur 8-bit. Alors, on écoute Bitch Shifter cette semaine à La Vie en BD. Je vous rappelle également que si vous voulez écouter les émissions passées de La Vie en BD, ben c'est possible de le faire sur notre blog lavieenbd.wordpress.com. Et je vous rappelle également que c'est possible de nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Alors maintenant, avec nous au bout du fil, le directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté, qui est revenu d'Angoulême il y a de ça quelques jours. Thomas-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, ben, peut-être d'emblée, donc, Angoulême 2015, plusieurs gros dossiers qu'on suivait de loin. D'un côté, les suites et le premier grand rassemblement du milieu BD suite aux attentats de janvier liés à Charlie Hebdo. J'imagine que c'est un événement qui devait teinter un peu le lieu, l'ambiance, l'esprit d'Angoulême 2015. Ben absolument. Dans le fond, le festival s'en était... pas caché qu'au départ, c'était quelque chose qu'ils voulaient souligner. Si on regarde les gens de la profession, les auteurs qui votaient pour le Grand Prix avaient même fait une demande que le Grand Prix soit remis de façon honorifique aux gens de Charlie Hebdo, ce qui n'a pas été entendu comme tel. Ils ont remis un prix spécial, mais ils n'ont pas remis le Grand Prix, qui a été plutôt remis à l'auteur là, de Akira. Mais c'est certain que Charlie Hebdo était partout là durant l'événement, à un point tel même que ça pourrait en être dérangeant, au sens où on se demandait jusqu'à quel point il y avait de la récupération qui était faite pour en faire un coup de marketing. Et les gens de Charlie Hebdo, il y en avait quelques-uns qui étaient sur place aussi, à tout le moins pour recevoir aussi certains prix, récompenses et autres. Mais encore là, c'était assez discret, parce que si je regarde le prix spécial qui a été remis le jeudi, donc au même moment où ils ont remis le Grand Prix, ce qui est assez spécial, parce qu'habituellement c'est remis le dimanche, mais ils l'ont remis en début de festival, et c'est Jean-Christophe Menu de l'association qui est venu chercher le prix. Avec un mot de la part des gens de Charlie Hebdo, mais comme tel, je dirais que c'était assez discret pour les gens de Charlie. En fait, j'imagine qu'ils ont été tellement sollicités humainement et médiatiquement aussi en amont du festival que j'imagine qu'il n'y avait pas nécessairement envie d'être aussi sollicité non plus pendant l'événement. Non, exactement. Moi, j'ai croisé trois collaborateurs, dans le fond, deux anciens collaborateurs qui sont Riyad Satouf et Jules. Et effectivement, pour eux, ils ont été extrêmement sollicités durant le festival. Et surtout pour Riyad Satouf qui a remporté le prix du meilleur album, donc avec le rap du futur. Mais il y avait aussi Willem qui discrètement dédicaçait des requins marteaux. Donc encore là, quand les gens voyaient qu'il était là, ça faisait la file, mais c'était... c'était pas affiché en grande pompe, si on veut, là. Ce qui était peut-être mieux comme ça aussi, je dirais. Parce que quand on regarde, comme je disais, Jean-Christophe Menu qui est allé faire le discours pour récupérer le prix honorifique, a fait un discours Le principe comme tel, son message, c'était que on s'en branle. Donc, c'était bien gentil de penser à nous, mais on s'en branle un peu. Et il a même traité de con le maire d'Angoulême qui avait eu l'initiative récemment de mettre des clôtures autour des bancs publics pour éviter que les sans-domicile fixe les utilisent pour dormir. Donc, ils ne se sont pas gênés. Et parallèlement, Thomas-Louis, l'autre événement peut-être qui dominait un peu l'attention médiatique, si on peut dire, ou du moins l'attention des auteurs aussi, c'est la question de la rémunération des auteurs. Les états généraux de la BD ont été lancés à Angoulême. Il y a eu la marche des auteurs aussi. Et tu nous en avais parlé un peu du côté de Saint-Malo, où c'était fait dans le respect de l'événement aussi, dans le respect des amateurs. Est-ce que c'est une ambiance similaire, ou est-ce qu'on était rendu à une autre étape à Angoulême? Ben, une autre étape en termes de nombre, si on veut, les états généraux de la bande dessinée qui étaient vraiment destinés pour les professionnels, donc moi j'ai pas pu y assister, mais qui étaient dans la je veux dire les auteurs, comme je suis pas auteur, mais dans le théâtre d'Angoulême ont été très courus, et c'était vraiment un moment de discussion où ont été abordés plusieurs sujets, comme tu parlais au niveau de la rémunération des auteurs, mais un des points chauds dans le fond actuellement, c'est au niveau des fonds que les auteurs doivent donner pour leur retraite. Donc, en France, ils changent des pourcentages, et ce qui fait que les auteurs devraient donner 8% de leur revenu annuel pour leur fonds de retraite, donc ce qui correspond à peu près à un mois de salaire uniquement pour ce programme-là. Et comme tel, il y a eu aussi une grande marche des auteurs pour dénoncer cette situation-là. Marche des auteurs où ça a été un moment de débrayage, si on veut, pour les dédicaces. Donc, beaucoup de maisons d'édition n'avaient pas prévu de dédicaces à ce moment-là pour permettre aux auteurs d'y assister. Mais encore là, beaucoup ont pensé que c'était une marche pour Charlie Hebdo. Donc, c'est au niveau du public, si on parle. Mais comme tel, ça a été une bonne façon pour les auteurs de se faire entendre, parce que tout le monde y était, tous les grands noms qui étaient présents à Angoulême se sont prêtés à la marche, là. Et est-ce que, justement, tu as l'impression que le message a réussi à se transposer un peu, ou c'était vraiment plutôt pensé dans un esprit d'unité pour les auteurs, pour se rassembler, pour réfléchir à ces questions criantes-là, plutôt que de le faire par médias, par blog, par conversation plus personnelle? Ben, je pense que c'est vraiment l'amorce du processus des états généraux, donc il va y avoir d'autres discussions, d'autres rencontres, et en France et en Europe, ben, il y a les syndicats d'auteurs, syndicats nationaux et tout, donc qui ont embarqué dans l'initiative, au même titre que des éditeurs et différents intervenants de la chaîne du livre, mais c'est sûr qu'il y a eu une très bonne couverture de presse de cet événement-là, notamment de la marche, parce que ça faisait c'est quand même assez intéressant de voir des gens qui étaient sur la ligne de front, si on veut dire, de cette marche-là, où tu avais des auteurs comme Pénélope Bagieux, Louis Trondheim, mais aussi Arleston et d'autres auteurs, Nicolas Keramidas et d'autres qui sont plus, si on veut, populaires. Mais ça a été vraiment un bel amalgame, puis ça a eu des retombées quand même pour la profession en France et en Europe. Ici, je vous dirais que les sujets qui sont abordés par les états généraux vont pouvoir avoir un certain écho, mais c'est sûr que c'est pas la réalité nécessairement des auteurs d'ici, du moins des auteurs publiés dans les maisons d'édition québécoises. Et en parallèle, évidemment, on s'en doute, Angoulême, c'est une programmation extrêmement chargée, beaucoup de spectacles, d'événements. De ton côté, tu y allais aussi professionnellement, mais pour représenter justement le Festival de Québec. Mais est-ce que tu as eu l'occasion justement d'aller voir soit des événements, spectacles, des expositions, et certains qui t'ont happé particulièrement? Oui, bien effectivement, moi j'y allais de façon professionnelle pour des rencontres, et que j'en ai eu vraiment beaucoup tout au long des 4 jours où j'étais là. Donc ça m'a laissé peu de temps pour participer aux différentes activités qui avaient lieu en marge de ces rencontres-là. Donc j'ai quand même eu l'occasion de visiter l'exposition de Bill Watterson, donc sur Calvin and Hobbes, quelque chose que je ne voulais pas manquer parce que j'aime beaucoup cette série-là. C'est assez impressionnant de voir les originaux qui étaient là. Il y avait une foule de strips, des planches, les inspirations de Bill Watterson et tous ses premiers dessins, la première version de Calvin and Hobbes. C'était vraiment unique parce que c'est le genre d'exposition qui ne se reproduira probablement pas couramment, tellement c'est compliqué à organiser puis à sortir ces originaux-là qui sont dans une collection universitaire, dans le fond, aux États-Unis. Là. OK. C'est ça, je sais que cette année, vu le chemin des attentats qu'il y a eu au début du mois de janvier, il y avait aussi la vigie pirate qui était présente partout. Donc, en rentrant dans les tentes, tout le monde était fouillé, détecteur de métal et tout. Donc, il y a eu un achalandage qui était un peu moins grand cette année, mais les files étaient très longues pour rentrer dans les lieux de, que ce soit les tentes ou les expositions et tout. Donc, ça a aussi compliqué les choses et ça, des fois, ça donnait le, ça nous retenait d'aller voir des expositions parce que, sachant qu'il allait avoir trop d'attentes, là. Oui, effectivement. Dans le fond, on arrive en avant et c'est pas comme les précédentes années où on peut simplement rentrer, sortir dans certaines tentes. Je pense à la bulle New York qui sont quand même franchement moins sollicitées que d'autres bulles. Donc, dans ce cas-ci, c'était vraiment il y a plus la complexe, sécurité. Ouais. Et habituellement, le jeudi, le vendredi, c'est plus tranquille. Donc, on rentre. Mais là, dès le jeudi, il y avait des files. Et c'était à chaque fois qu'on rentrait. Donc, même en tant que professionnel, avec un badge, on était retenu à la porte pour être. Et dans ce contexte-là, Thomas-Louis, le samedi, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était la folie furieuse? Parce que, je veux dire, j'ai l'impression que le samedi, la ville double, triple en termes de population. Bien, ça a été le cas, mais je dirais qu'il y avait déjà 2 jours de rodage par rapport à la façon de faire, et les gens s'y attendaient, donc ça allait assez rondement. Mais c'est sûr, ça ralentit partout. Et comme je disais, il y a eu, selon moi, une baisse d'achalandage là, de ce que j'ai pu observer, donc ça a joué aussi pour ça, mais c'est sûr que tout était plus long le samedi, là. Et l'ambiance dans la ville, justement, est-ce que les discussions, les éléments, les préoccupations étaient beaucoup centrées sur justement les grands enjeux? Est-ce que c'était beaucoup ce qui était discuté ou est-ce que au final on était là aussi pour faire des affaires, justement pour avancer, pour travailler et on axait plutôt sur la production des possibilités à venir et le reste? Bien, si je regarde, moi, par exemple, on a eu le jeudi une rencontre d'événements internationaux, donc des événements de partout en Europe et quelques événements de l'extérieur dont je faisais partie, et ça a été le point abordé tout de suite. Dans le fond, ça a été, bon, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour Charlie Hebdo? Parce que c'est la question que tout le monde se fait poser. Et quelqu'un me racontait qu'il y a eu les 24 heures de la bande dessinée qui se déroulait juste avant Angoulême, donc qui débute je crois que c'est le mardi à 3 heures pour se terminer le mercredi à 3 heures. Et il y avait des événements qui étaient organisés dans d'autres villes. Donc, à Lyon, où ils organisaient le pendant de cet événement-là, les médias appelaient pour savoir s'il y avait un lien entre Charlie Hebdo et l'événement pour pouvoir en parler. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui revenait tout le temps, là, mais en même temps, il y a eu d'autres beaux événements qui ont été soulignés lors d'Angoulême cette année, notamment les 40e anniversaire de Fluide Glacial. Donc, il y avait beaucoup d'auteurs, ça a permis des belles rencontres aussi à ce niveau-là. Oui, en fait, de se rappeler, de voir, d'explorer aussi le reste du panorama BD, parce que pendant justement qu'Angoulême allait de manière assez globale, la planète médiatique, du moins en termes de publication illustrée, était encore dans cette éclipse-là, dans les suites de l'attentat justement du début janvier. Ouais, mais ça c'est certain que c'est ce qui a teinté l'ensemble du festival, mais pour comme tel, les amateurs étaient là aussi pour rencontrer les auteurs, pour voir ce qui se passait dans les maisons d'édition. Donc, c'est pas la bande dessinée a été célébrée amplement là, durant tout le week-end. Et est-ce qu'il y avait encore pas mal de gens qui faisaient la file toute la nuit pour aller chercher des dédicaces, justement, là, les chasseurs, les grands collectionneurs, les grands chasseurs de dédicaces qui sont présents à Angoulême? Il y a toujours ça à des niveaux qui ne sont même pas pensables au Québec, je vous dirais. Par exemple, moi, j'ai croisé mon colocataire, si on veut, un des personnes qui logeait au même endroit que moi, à 2h15 le matin. Lui quittait pour aller faire la file pour une dédicace le lendemain matin. Et malheureusement pour lui, la dédicace a été annulée. Donc, il a passé la nuit complète dehors. Il faisait quand même assez froid, près de zéro, pour absolument rien. Donc, c'est le genre de choses qui se voient à Angoulême et que je ne souhaite pas nécessairement qu'ils se produisent ici. Oui, en fait, ici, qu'on voit peut-être plus pour des concerts de Metallica, Madonna ou autres. Oui, exactement, ou des iPhones, les nouveaux iPhones. Oui. Mais reste que c'est difficile à comprendre, surtout dans un contexte où à Angoulême, il y a beaucoup, beaucoup de dédicaces, du moins pour les auteurs qui sont les plus courus, qui sont faits sous mode de tirage. Donc, les gens attendaient pour aller attendre à l'intérieur et ensuite, par biais, qu'ils ne gagnaient pas nécessairement. Bref, c'est étonnant. Et en terminant, Thomas-Louis, on l'a mentionné, tu y allais aussi pour le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Est-ce que tu nous en as ramené des belles rencontres, des belles collaborations, des auteurs? Est-ce qu'on se prépare pour des belles éditions 2015-2016? Ben, ça a été l'occasion, effectivement, de belles rencontres, de confirmer des auteurs qu'on avait sollicités pour le festival de cette année, dont des gens comme Romain Hugo, par exemple, chez Paquet, qui sera présent, et aussi de voir pour l'an prochain. Donc, déjà en 2016, il y a des gens qui ont été approchés et qui ont accepté de venir. Donc, c'est le genre de rencontres qui sont quand même très profitables. Et à ce même titre, il y avait les gens du Festival de bande dessinée de Montréal qui étaient là aussi pour la même chose. Donc, ça a même permis de se rencontrer et de prendre le temps de discuter, ce qu'on a des fois moins le temps de faire à distance au Québec. Puis ça a été la même chose même pour les gens du Toronto Comics Art Fair que j'ai rencontré pour la première fois à Angoulême et on aura discuté longuement. Donc, c'était une belle occasion de rencontre, cet événement-là. Oui, comme quoi, des fois, il faut aller en France pour rencontrer des gens qui sont à 10 heures de route, 16 heures de route. Exactement. Mais pour des promesses de rencontres futures, donc c'est toujours, voilà. Toujours intéressant. Thomas-Louis Côté, merci beaucoup pour ce petit regard sur Angoulême 2015. Merci à toi. Puis on se dit à très bientôt, parce que j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, on va se revoir et se rencontrer à nouveau pour échanger sur le festival 2015, justement, qui s'en vient. Oui, ben dès la semaine prochaine, on va faire des annonces, puis on va commencer à faire dévoiler la programmation graduellement, jusqu'à la dévoiler de façon complète le 10 mars prochain lors de la conférence de presse du Salon du Livre. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'était Thomas-Louis Côté, donc je le rappelle, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, qui nous revenait un peu sur son passage donc à Angoulême en 2015. On poursuit toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, c'est la vie en BD qui se poursuit. Quelques regards sur des lectures récentes, notamment Guy Delisle qui vient tout juste de nous offrir le guide du Mauvais Père, tome 3, toujours du côté de chez Delcourt dans leur collection Shampoing, toujours avec ce format tout petit, format livre de poche qui rend la publication d'ailleurs un brin plus abordable. Et cette fois-ci, c'est 19 courtes histoires, donc toujours Guide du Mauvais Père qui nous présente une version, disons, d'autofiction autour de Guy Delisle, autour de sa vie de père au foyer, donc relation avec sa fille, avec son fils, quelques conseils qui sont sollicités, quelques éléments qui mettent de l'avant peut-être le côté toujours gamin, justement, de l'avatar sur page de cet auteur. Je vous donne un exemple, en fait, on parle dans la première anecdote de Harry Potter, donc il lit, avant de s'endormir, il lit donc le premier livre d'Harry Potter à sa fille, il le lit à haute voix, mais pour s'assurer que sa fille a bien fait ses études et est bien prête pour ses devoirs, ben, intègre à l'intérieur de la narration donc quelques éléments, quelques clins d'œil en lien justement avec la leçon qu'elle aurait dû comprendre. Je vous donne un exemple, il dit « Harry est comme figé sur place et n'arrive plus à bouger. Voldemort s'approche de lui, ses yeux sont injectés de sang et sa bouche est déformée par la haine. Il lui dit « Harry Potter, savais-tu que comme finir, obéir et réussir, les verbes du deuxième groupe se terminent tous par « ir »?» Alors, c'est le genre de situation, un brin comme ça, il va à un moment donné essayer de comprendre comment jouer avec l'hélicoptère de son fils pour finalement se retrouver incapable de le faire. Il va tenter d'aider sa fille à faire un devoir sur des métiers disparus pour l'amener sur la piste, on ne sait trop pourquoi, du métier de bourreau, essayer de lui expliquer c'est quoi un bourreau, se rendre compte qu'il n'est pas capable de le faire et de se mettre à chercher des images. Donc, des situations comme ça, assez rigolotes. C'est vraiment un bouquin qui fait sourire, qui se développe boulevard en, ma foi, à peu près une demi-heure au bout du compte, et peut-être un peu moins si vous êtes trop rapide. Vraiment des petites situations du quotidien, toutes sympathiques, toutes légères, à l'image du tome 1, à l'image du tome 2, et vraiment aussi ben, une unité dans, dans l'humour, dans le ton, dans l'esprit. Donc chaque page, chaque récit vous fera, c'est pas mal certain, sourire. Évidemment, bon, c'est pas nécessairement donc un ouvrage qui, disons, nous touche autant que d'autres types de récits que de l'île a exploré. On pense à ses chroniques de voyage. C'est un autre registre, mais ce registre-là de l'île le maîtrise. Il nous l'offre bien. À l'image donc des deux premiers tomes, à l'image de ce que vous avez pu voir si vous allez de temps à autre sur son blog également. Si vous n'avez pas eu l'occasion justement, ben allez y faire un tour, lisez les gags qu'il offre en ligne sur le blog. Vous allez voir si ce type de ton-là vous convient. Au Québec, on pourra faire des parallèles peut-être avec des séries comme Mère Indigne, par exemple, donc l'idée de ses parents qui racontent, qui inventent à partir de situations réelles, à partir de mots d'enfant, à partir de la relation parent-enfant dans un contexte d'autofiction. On est un peu dans ce registre-là, mais du côté paternel, et donc ça fonctionne, c'est sympathique, c'est souriant, et bref, si vous aimez le genre, ben, vous ne ferez pas erreur en mettant la main sur donc ce guide du Mauvais Père, tome 3 de Guy Delisle, donc chez Delcourt, je le rappelle. Sinon, autre petit clin d'œil très rapide, celui-là. Alors, je vous parle du livre In God We Trust de Winchless. C'est disponible au Roquet Marteau depuis quand même un certain temps. Je suis vraiment dans le rattrapage avec celui-là. Alors, essentiellement, c'est une visite guidée autour de l'univers biblique qui nous est offert par Saint Frankie, le patron de la bière et de la bande dessinée. Alors, il nous raconte comment Dieu a créé le monde, l'a sculpté, l'a construit, l'a bâti. Comment Ève et Adam en sont venus à exister, comment ils en sont venus à quitter donc le paradis terrestre. Et tout ça ben, avec quand même un humour assez, disons, irrévérencieux à certains égards, avec un esprit qui est pas étranger justement, je pense à plusieurs des publications des Roquets Marteaux, qui gênent pas pour aller dans différentes directions, qui gênent pas pour... j'irais pas heurter des sensibilités, mais justement qui ne se battent pas d'une certaine autocensure autour justement de cet esprit-là. Donc on est vraiment dans un album joyeusement anticlérical, beaucoup de parodies pamphlétaires, évidemment beaucoup aussi de petites histoires justement autour de l'univers de la Bible. Alors on trouve des dizaines de biens judicieux pour faire rire ou pour faire réagir. On passe du running gag au dessin d'humour, on passe d'un dessin pleine page plutôt réaliste à d'autres plutôt trash, si on me permet l'anglicisme. Alors on passe de Conan le barbare à Jésus, à Moïse. Alors c'est vraiment, un album impertinent, sympathique, évidemment qu'on recevra de manière très différente selon le regard qu'on pose sur la religion, selon aussi l'appréciation qu'on a d'un regard critique et corrosif autour de cette chose-là, mais dans ce registre, ça fait mouche quand même, il faut le dire, évidemment, donc dans un trait de dessin qui est aussi caricatural, un peu dans l'esprit de ce type de bande dessinée-là, donc c'est un peu comme vous l'imaginez, c'est pas mal comme ça que c'est dessiné, mais encore là, c'est bien fait et c'est bien maîtrisé, donc ça s'appelle In God We Trust de Winchless, et c'est disponible du côté des Roquets Marteaux. On prend une courte pause à venir encore, donc on jase avec Yves Rodier autour de Purgatoire et on jase BD avec Marco Duchesne. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Kikuna présente le spectacle Le Voyage d'hiver, les 18 et 19 février au Grand Théâtre de Québec. Je traîne mon âme dans le calcium et crie aux gens que je suis mort. Des textes de Kid Kuna sur la musique du Winterreise de Franz Schubert, avec 11 musiciens et danseurs dans une mise en scène d'Antoine Laprise. Je file dans l'hiver qui me guide de ville en est disponible sur kidkuna.com. Après le grand succès des Trois Exils de Christian E., le Théâtre Sortie de Secours de Québec, le Théâtre L'Escaouette de Moncton et le Théâtre Français du Centre National des Arts d'Ottawa présentent Le Long Voyage de Pierre Guy B., une odyssée déjantée qui groove. Celle de Pierre Guy B., comédien percussionniste dont la soif de vérité conduira le spectateur dans des contrées insoupçonnées. La pièce est présentée du 10 au 28 février au Théâtre Périscope. Réservez vite 418-529-2183. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeu, dessin et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 22 février, 20h, au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Trois cœurs. Les aventuriers voyageurs présentent Corse. L'Opéra national de Paris présente l'enlèvement au sérail. Timbuktu. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, donc toujours pour parler de bande dessinée. Et ben on est un peu en mode rattrapage, quelques parutions, et notamment le studio Lunac qui, à la fin de l'année dernière, nous avait offert coup sur coup plusieurs nouveautés en lien avec des bandes dessinées qui sont diffusées sur le web via leur plateforme kimik.com. Et l'une d'entre elles, s'appelle Le Purgatoire, donc de Cécile Brosseau et Yves Rodin. Et pour nous en parler, au bout du fil, on est en compagnie du scénariste Yves Rodier. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée, donc, Purgatoire, qu'est-ce qui vous a amené un peu vers cette piste-là, donc vers cette série en strip, dans les suites aussi d'autres BD sur lesquelles vous travaillez, comme Les Aventures d'El Spectro? Oui, ben c'est vraiment une grande départure. C'est pas vraiment un mot, mais en tout cas, une tangente que j'ai jamais pris avant de faire de faire du scénario, à travailler avec quelqu'un qui fait les dessins plutôt que ce soit moi qui dessine, et deuxièmement de faire des gags en strip, mais tout ça vient en fait de l'amour en commun que Cécile et moi on a de Peanuts, de Charlie Brown et Snoopy. Mm-hmm. Puis vraiment on en parlait souvent, puis c'était souvent notre référence, on faisait souvent des inside jokes ensemble là-dessus. Et puis à un moment donné, on s'est dit, si on faisait un projet ensemble, ça serait le fun de faire ça dans cette ligne-là, si on veut. Donc de voir un peu, d'aller essayer de voir qu'est-ce que vous aimez, dans le fond, de l'ambiance, de l'esprit, du look, du rythme de Peanuts, puis de voir un peu comment vous pourriez, à partir de ces éléments-là, bâtir votre univers. Ouais, un peu. C'était comme on avait envie d'aller jouer un peu dans l'univers Peanuts, mais tout en le faisant nôtre. Mm-hmm. Donc notre point de départ était vraiment Peanuts, une bande d'enfants, tout ça, avec un chien un peu fou. Mais bon, on n'allait pas du tout vers le genre de design à la Schultz. Cécile a son style bien établi, puis moi je voulais avoir le dessin de Cécile là-dessus. Puis donc on s'est en allé vers ça, puis ça n'a pas été long que, en développant le concept, qu'on est tombé sur l'idée d'avoir des pluches qui s'étaient réincarnées de grands tueurs de l'histoire, tueurs ou en tout cas des monstres sanguinaires, si on veut, humains quand même. Mm-hmm. Et qui se réincarnent en des petits toutous cute qui vont complètement à l'encontre de leur personnage. Oui, ici, on parle d'Attila, Dracula, Brutus, Bonnie de Bonnie and Clyde. Donc, ça donne le ton. C'est des archétypes aussi que tout le monde connaît, justement, qui évoquent quelque Exactement. Chose pour tout le monde. Oui, c'est ça. On voulait quelque chose qui était facilement identifiable aussi, puis que le monde comprenne le gag, mais en même temps, on voulait pas tout déballer en partant. Donc, quand ça a apparu sur Kimik, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient « Pourquoi ça s'appelle purgatoire? On comprend pas au juste. » Puis on a quand même attendu un petit peu avant vraiment d'expliquer qu'est-ce que les toutous faisaient là, si on veut. Et en même temps, ben, du moment où on le sait, j'imagine que pour le lecteur, on le disait, ça donne des codes clairs par rapport à un personnage. Pour le scénariste, ça donne aussi un code clair sur le caractère, le type d'individu, si on peut dire, auquel on s'attaque. Oui, c'est ça. Puis, moi, de toute façon, j'aime travailler en stéréotype. Je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui dans la BD, mais même en tout, en général, dans le monde moderne. On essaye tellement de pas stéréotyper que les personnages deviennent un peu plates. Mm-hmm. Ils n'ont pas de traits particuliers, ils n'ont pas de ils peuvent avoir plus de défauts ou des affaires comme ça, mais ça devient plus fade, je trouve. Tandis que, bon, comme avec les autres séries que j'ai faites avant, j'en ai une avec un héros pur et dur que lui, vraiment, il n'a pas de défauts et tout ça, puis je trouve ça le fun de jouer sur ces archétypes-là. On comprend immédiatement c'est qui, on cherche pas de complications là-dedans. Ça nous amène vraiment à des histoires claires et nettes. Puis moi, j'aime quand c'est clair. Je viens un peu de l'école de la ligne claire, puis j'aime quand, autant dans le dessin que dans le scénario, on sait où on s'en va, on comprend exactement qu'est-ce qui se passe. Bon, on ménage quand même des twists puis des surprises, mais le lecteur est capable de suivre sans trop se poser de questions en même temps. Oui, puis en même temps, c'est pas non plus parce qu'on démarre avec un archétype que celui-là peut pas évoluer, qu'on peut pas rajouter de la viande autour de cet os-là. Exactement, parce que l'archétype, c'est le squelette de toute façon. Après ça, on construit par-dessus, on va rajouter, on va découvrir nous-mêmes des facettes à un personnage. Puis ces facettes-là vont le rendre vivant, même par rapport à leurs auteurs. Souvent, on est dépassé par des personnages. On se dit « Ah ben oui, il pourrait faire ça », puis ça nous étonne nous-mêmes. Parce qu'en fait, on travaille beaucoup en collaboration, moi et Cécile. Même si Cécile est en France, on se parle souvent par Skype. Je raconte les idées de gags que j'ai, elle m'en raconte d'autres. Moi, je reprends tout ça, puis je retravaille tout ça. Mais c'est vraiment souvent des choses qu'on s'attend pas qui allait arriver, quoi qu'on avait quand même l'arc, le story arc en bon français, l'arc narratif, disons, de planifier, mais on savait pas tout ce qui allait se passer, en fait, gag par gag et tout ça. Puis vraiment, on a été agréablement surpris nous-mêmes de voir nos petits personnages évoluer dans des sens qu'on s'attendait pas bien souvent. Oui, puis en fait, dans les relations justement entre eux, dans les relations avec les enfants aussi qui peuplent leur quotidien, et pour les enfants dans leurs relations entre eux aussi, puis avec les adultes et les autres enfants, etc. Donc ça devient aussi, en fait, c'est des situations qui humoristiques, mais qui viennent beaucoup aussi des relations justement, puis des désirs, si on peut dire, des uns et des autres. Oui, c'est ça. Et encore là, souvent, on est parti avec des idées très claires des personnages, puis ils ont évolué dans un autre sens, puis on les a laissés faire parce qu'on aimait suivre la parade, si on veut, puis regarder ce qui se passait nous-mêmes. Puis ça a été vraiment le fun à découvrir. Et là, on est en train de préparer le prochain, et on se frotte les mains déjà. De voir les réactions que le monde va avoir parce qu'on apporte des nouveaux personnages puis tout ça, puis ça va être vraiment le fun, je pense. Et les gens, ben, on parlait de référence à Peanuts justement aussi à l'intérieur de ça. Exemple, les adultes, vous les avez choisis aussi assez absents de l'histoire, du moins on voit pas leur visage, on sent leur présence, on voit des parties de corps, mais ils sont pas physiquement là. Oui, puis même je pense qu'à date, on a vu qu'un seul adulte, c'est la mère des deux personnages, des enfants principaux. Puis on n'a pas l'intention de les faire parler. Mais ça, c'est un code qu'on s'est établi en partant. On disait, bon, on veut pas vraiment avoir... Non, en fait, dans le premier gag, on entend la mère qui parle et c'est tout. Après ça, on l'entend plus. Puis, mais c'est ça, on a mis en place des codes qu'on a décidé de suivre. Des fois, c'est le fun d'avoir des contraintes aussi qui nous... oblige d'être cohérent dans un style plutôt que de vraiment tout laisser évoluer puis de dire bon on va prendre ça comme ça vient. c'est le fun de se mettre vraiment comme des codes, des règles, puis après ça, ben ça nous permet d'être plus rigoureux dans notre façon de raconter aussi. Un peu, dans le fond, comme la structure même, d'ailleurs, du récit, qui est toujours en quatre cases. Donc, on est un peu dans le strip classique avec la situation, avec la chute et le chemin pour s'y rendre. Là. Oui, oui. Ben, des fois, on peut allonger ça un peu sur deux ou trois strips, mais il y a tout le temps quand même, oui, une chute à la fin de la quatrième case, parce que c'est le rythme dans lequel je le sens aussi, que Cécile le sent aussi, je pense. Et d'ailleurs, fait amusant, quand j'y repensais, en regardant sur la plateforme kimik.com, vous êtes à peu près les seuls à avoir été avec une approche un peu plus classique au niveau du strip, au niveau des chutes, tandis que les autres ont été avec plus d'autres approches qui sont moins souvent associées, si on peut dire, au webcomic. Vous avez été avec quelque chose d'un peu plus typé, mais volontairement, là, évidemment. Oui, oui, volontairement. Mais faut dire que Cécile puis moi, on avait le projet de faire cette série-là avant que Lunac, que Kimik nous approche. Puis quand ils nous ont approché, j'ai dit « Ah, ben j'aurais peut-être justement exactement ce que ça vous prendrait. » Puis ils ont aimé l'idée, puis on est parti là-dessus. Mais on savait pas juste... Moi et Cécile, on voulait faire du gag, on voulait faire du strip, mais on savait pas où aller proposer ça non plus. Et Kimik nous a ouvert la porte. Ça a été vraiment un mariage parfait, je pense. Puis en plus, souvent, les gens me disent, c'est le fun parce que on peut aller le lire à chaque semaine, puis c'est complet. On n'a pas à attendre. Bon, des fois, oui, on a à attendre la suite, mais au moins, ils ressortent avec un punch à la fin, un gag, une chute. Puis donc, je pense qu'on était bien, même si c'était très classique par rapport aux autres. Justement, Kimik, c'est ça qui est le fun, c'est que ça offre un large éventail de styles. Puis nous, ben, on est là pour combler les besoins de ceux qui aiment les strips classiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous le dites, Yves Rodier, on va sur le site à la semaine, on découvre l'histoire, et quand on tombe avec la version papier, on la lit, mais de bout en bout, si on peut dire. Et donc là, subitement, on découvre peut-être un peu plus, justement, le fil narratif global. Ouais, en fait, il prend toute sa force avec la version papier. Et ça, c'est ce que j'ai entendu beaucoup depuis que l'album est sorti. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais j'allais le lire, mais peut-être pas toutes les semaines sur Kimik. » Puis là, ils me disent « J'avais jamais compris que c'était une histoire qui suivait de bout en bout. » Je dis « Ben, c'est, mais en même temps, comme c'est vraiment ponctué par des gags à chaque page, ben, c'est peut-être pas évident non plus. C'est peut-être un peu plus subtil comme histoire que... vraiment d'avoir une suite démarquée à chaque fois que les gens vont attendre ce qui va se passer. Mais je pense que ça a été une bonne surprise pour beaucoup de lecteurs de voir que ça racontait une histoire aussi, c'était pas juste des gags. Et tout ça en termes de look aussi, en termes de regard sur la série, Cécile Brossa a choisi d'aller avec des fonds gris, des personnages qui sont colorés, qui ressortent aussi un peu de la page. Qu'est-ce qui a orienté vers ces choix visuels-là? Ben, en fait, c'est moi qui fais les couleurs. OK. Mais c'est quand même une décision qu'on a prise ensemble. Je lui ai montré deux, trois approches différentes que j'avais. Et puis, on est tombé d'accord là-dessus en disant que l'important, c'était les personnages. L'univers autour existait pratiquement pas. C'est pas particulièrement... on a rarement besoin de souligner quelque chose dans le décor. Puis, donc, on a décidé comme ça qu'on allait mettre le reste en noir et blanc, que c'était pas... ça allait focaliser l'attention sur les personnages. C'était ce qu'on voulait faire. Et ça fonctionne effectivement, parce qu'on dirait même qu'ils ressortent de la page par moment. Ben oui. Ben oui, c'est... Des fois, on a des accidents heureux comme ça, où le résultat est meilleur que ce qu'on imaginait au départ. Et tout ça aussi, on parlait de récit en terminant. Y a, évidemment, c'est humoristique, c'est rigolo, mais vous permettez aussi une variété de tons, des séquences qui sont quand même plus sérieuses aussi à l'intérieur de tout ça. Oui, oui, c'est sûr. Puis oui, il y a même une petite histoire quand même assez inquiétante avec un des toutous. Puis ben, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on voulait pas non plus, vraiment s'emprisonner dans un registre uniquement humoristique. On peut pouvoir explorer plus large si on veut. Puis je pense que tout ce petit univers-là s'y prête bien parce que c'est sûr qu'avec les pluches, les toutous, c'est sûr que ça va être humoristique plus qu'autre chose. Mais les relations entre enfants, c'est pas toujours drôle. Puis ça, on peut l'explorer aussi, bon, avec une petite touche d'humour quand même, peut-être un peu plus sarcastique si on veut. Mais Yves Rodier, évidemment, on continue de suivre ça en version papier, donc qui vient de sortir chez Lunac, en version web aussi, ça reprendra, j'imagine, sur kimik.com. Oui, très bientôt. Là, on travaille là, sur la suite. Ben, Yves Rodier, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je rappelle, on s'entretenait avec le scénariste donc de la série Purgatoire, donc série dessinée par Cécile Brosseau, scénarisée par Yves Rodier. La série est disponible donc au studio Lunac en version papier. Toujours la vie en BD. Je rappelle la formation 8-Bit Shifter qui nous accompagnait cette semaine au fil de nos segments musicaux. Et maintenant, on est en compagnie de Marco Duchesne, notre libraire en résidence, on peut dire, libraire également BD chez Pantoute. Bonjour Marco. Hey, salut Raymond. On se lance illico, quelques titres en ces froids hivernaux assez lapidaires. Alors, on commence avec un qualificatif peut-être pour ce froid. Il est sans pardon à l'image de cet album d'Hermann. Ouais, et depuis le temps que tu m'invites et que effectivement je suis devenu le chroniqueur libraire en résidence, je pense que maintenant ce n'est plus un secret. Mon amour pour le western et aussi pour ce dessinateur qui opère depuis au moins 40 ans. Hermann à qui on doit avec les scénarios de Greg Comanche, une autre série western dans les années 60. Bernard Prince, aussi cet aventurier sur son bateau Le Cormoran, encore une fois avec le scénariste Greg, qui a fait encore les belles années des années 60-70. Et sa propre série, tout seul, quand il a commencé à écrire sa propre série, Jérémia. Ce Jérémia, cette série western, mais dans un... ambiance particulière, dans un univers post-apocalyptique où on suivait, où on suit toujours. Ça faisait penser un peu à Mad Max, cette série-là, voilà, à certains égards. Hein. Qui est aussi un western, au bout du compte. Qui a tous les éléments du western, donc... Alors, Hermann, dont je suis la carrière depuis le début, a commencé il y a quelques 15 ans à écrire avec son fils Yves H. Yves H. est au scénario. Avec son fils, il a commencé à faire des albums chez Lombard dans la collection, la magnifique collection signée, des albums uniques ou des histoires en deux tomes. Et c'est leur premier western. Et est-ce que ça fonctionne aussi bien que... Écoute, c'est magistral. Ce Sans pardon est un hommage au plus grand des réalisateurs de western qui est John Ford. C'est l'équivalent de Searcher dans la façon de raconter, cette façon un peu lente, cette façon qui nous montre, qui développe les personnages, où on apprend à les voir évoluer et dans leur motivation à essayer de survivre dans ce monde sauvage. Ça raconte l'histoire de Bucky, un criminel, un desperados de la pire espèce qui est poursuivi par un marshal qui, lui, en a fait son obsession de capturer ce Bucky. Alors, dès le début de l'album, Bucky débarque dans sa famille. Il a une femme, un enfant, un fils qu'il connaît à peine, une femme qu'il ne respecte pas du tout. Alors, il se cache chez lui, mais il est vite rattrapé par Marshall, qui lui prend vite, assiège la maison, capture la femme et menace de mort la femme, ce Marshall, qui est du côté de la loi, mais est prêt à enlever la vie de sa femme. Mais on sent bien que Bucky, il s'en fout de sa femme. Ce qui l'intéresse, c'est son fils. Et le fils va réussir à s'évader. Et ça va être l'errance de deux, le père et le fils. L'errance du fils qui, lui, va essayer, qui va, pendant des années, va vagabonder dans ce Wyoming, territoire à peine civilisé, va essayer de survivre et va suivre les... Parce qu'il veut survivre, va suivre les traces de son père, voler, tuer, survivre. Et son père, Bucky, lui, qui échappe toujours, il y a toujours le Marshall au basque, va essayer de trouver son fils. Et là, tout le long de la... Écoute, c'est extraordinaire. On est dans du Morricone, dans Sergio Leone. C'est moins un western qu'une étude de personnages. Écoutez, mais c'est ça la qualité des bons westerns aussi. Ouais, c'est pas que de l'ambiance, c'est des archétypes magnifiques, c'est de la création de mythes. Un bon western, c'est des mythes qu'on crée. Et la rencontre de ce, à la toute fin, le père et le fils qui se rend. Écoute, c'est extraordinaire. Et c'est magnifique, les paysages de Herman, ces scènes de nuit. Et là, il a encore épuré cette narration de cibler les moments où il se passe, où il se dit absolument rien. Une économie de mots et de dialogues. Bref, je t'ai énervé, hein? Oui, t'es énervé. Non, écoute, ça a été mon... J'attends ces albums d'Herman avec beaucoup de patience. Oui, puis dans ces situations-là, en fait, on dirait qu'on se crée des attentes aussi. Puis quand c'est moins bon que d'habitude, on le prend personnel un peu. Ouais, mais là, j'ai été gâté. C'est mon Noël, c'est ma Saint-Valentin, ma Pâques, c'est réussi. Alors, les plus hautes recommandations de Marco Duchesne pour ce Sans pardon de Herman. Chez Lombard. Album Le vieil homme et la mère de Murat. Ah, écoute, ça aussi, hein, je suis gâté, vraiment. Là. Chez Futuropolis, cette maison d'édition haut de gamme nous présente toujours des albums de grande qualité. Thierry Murat avait fait quelques albums. C'est plus un illustrateur. C'est cette force dans le dessin, dans l'image. Ils avaient raconté l'histoire d'un type à un moment donné, une espèce de road movie. Mais là, il adapte. Il nous dit librement adapté, hein, de ce classique, de ce chef-d'œuvre d'Hemingway, Le vieil homme et la mère. Pour moi, Hemingway est un des plus grands, sinon le plus grand écrivain du 20e siècle. Alors, Thierry Murat, il va avec cette adaptation ici qui renforce la gravité du roman avec ses cases pleines. En fait, je pense que c'est deux images par page à peu près, tout du long, avec dans les couleurs ocre, des couleurs de Cuba. Dehors, il faisait moins 30. Mais dans ton avec cœur, le facteur du chêne, il faisait au moins moins 80. Et à l'intérieur, je lisais et j'avais vraiment l'impression d'être là-bas avec la chaleur. Et avec Murat, avec cette façon de raconter, j'ai vraiment l'impression, pour la première fois, de lire le roman avec, en dessous, sous-exposé, les illustrations de Murat. Je sais pas si tu comprends. C'est comme si je lisais un vrai roman, mais derrière, la page n'est pas blanche. Derrière, c'est les illustrations de Murat. Donc, vraiment, qui vient d'orienter ton imaginaire, dans le fond. Voilà. Alors, en surimpression, les images de Murat. C'est vraiment pour les amateurs de littérature, mais de la littérature imagée, ce vieil homme et la mère. Alors, recommandation aussi. On est dans une bonne lancée. On a le temps pour un petit troisième. Adam Clark de Lapone. Lapone, au tiers, nous avait donné à corps sensible il y a quelques années chez Très Étrange, ce petit polar, ce petit roman graphique très sur la musique, c'était très jazz, ce trompettiste, et ça déjà, ça me touchait beaucoup, mais j'adore le style de Lapone, ce style vintage, au-delà de la ligne claire, ce style vraiment vintage, là, mais là, ici, avec Adam Clark, on est dans l'univers de l'espionnage, du rétro-futuriste, c'est-à-dire les années 50, le look des années 50, le look vintage, mais qui s'imagine comment ça va être dans le futur avec des drôles d'armes et des... Mais Adam Clark est un... C'est un peu un mondain, un gigolo. C'est un chroniqueur mondain dans un mensuel. Et la nuit, il est un voleur qui vole les bijoux de... Les plus gros diamants un du monde. Un peu dans l'esprit d'Arsène Lupin. Voilà. C'est extra. Et l'album, le style de Lapone est mis en... Et explose dans un format qui est 2 fois plus grand qu'une BD ordinaire. OK. Donc c'est ça, très ça... étrange. Ouais. Un peu plus dispendieux, mais ça... Et ça sert l'image. J'imagine qu'on peut faire presque une immersion quand on est dans ce format-là. Là, je veux dire, on plonge, on voit que l'album. Et la narration très drôle d'un commentateur. C'est une espèce de présentateur d'un documentaire, comme à la télé. Mmh. Le présentateur nous suit tout le long de la narration. Il y a même des pauses publicitaires. Il y a même des petites annonces pour une biographie d'Adam qui s'en vient. Bref, vous allez vous amuser. Mais en même temps, vous allez y avoir droit à une aventure pure dure dans le style vintage. Donc vraiment un beau travail de mise en scène à travers ça. Dans écoute, le fond, oui... comme l'était à Corps Sensible, mais cette fois-ci, là, c'est vraiment... on ne sort pas avec sa BD de poche. Là, c'est vraiment une belle immersion dans ce drôle d'histoire rétro-futuriste. Et on est vraiment, cette semaine, en 3 styles assez distincts. Évidemment, ouais. Adam Clark de Lupano, donc série un peu plus action. Après ça, une série un peu plus dans le sud, ouais, d'aventure littéraire, en, pour toutes les en goûts, western. Hein. Ouais, non, c'est un bon début de février, on peut dire. Tout à fait. Un peu plus chaud. Oui, effectivement. Et nous, Marco Duchesne, on se dit à dans 2 semaines? Ben oui. Excellent. Alors voilà, Marco Duchesne et ses commentaires BD pour cette semaine. Nous, on va se laisser. On se revoit évidemment la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un spécial qu'on vous offrira sur les 15 ans de l'université... les 15 ans du programme BD de l'Université du Québec en Outaouais. Alors, on en profitera pour revenir un peu justement sur le travail qui est effectué de ce côté. Alors ben voilà, donc c'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.